Tout s'est bien passé, sauf je me souviens une nuit. Oh, qu'est-ce qui nous arrivait? C'était un 13 août. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Il y avait une pluie diluvienne, parce que nous, on était arrivés les derniers, dans le camping de 7000, où on était. Alors, ils nous avaient refilé en bas du camping. Une pluie diluvienne qui arrive, la flotte qui montait, nous, on était sur nos matelas pneumatiques. Au dernier moment, il y avait monsieur et madame Chalamant qui étaient venus. Et madame Chalamant est une dame très gentille. Mme Chalamant, comme on disait, mais c'est une dame assez forte. Très... c'est une... Comme on dit, c'est une brave dame. Et justement, je me souviens un matin, quand on allait se baigner sur le petit sentier qui conduisait à la mer, je marchais derrière Mme Chalamant qui était en maillot de bain. Parce que vous savez que les mœurs d'aujourd'hui n'acceptent pas que les jolies filles de 18 ans ou de 20 ans extériorisent ce que la nature a créé. Leur beau sein, vous voyez ? Non, un an, pas le droit. Ouh là là ! C'est interdit par le ministère. Les jeunes filles n'ont pas le droit de montrer ce que Dieu a créé. Non, pas moi. Mais par contre, il y a des dames d'un certain âge qui ont le droit d'extérioriser, elles, leur postérieur. Elles sont pas yéyées, mais ça balance. Alors, je me souviens, sur le petit sentier, j'étais juste derrière Mme Chalamant. Et je soliloquais. Je me disais quand même, c'est chouette d'être en France. Quand on pense que les Américains dépensent des centaines de milliards de dollars, quand on pense que les Russes dépensent des centaines de milliards de roubles, tout ça pour les photographier de l'autre côté de la Lune, et que nous, ici, sur les plages françaises, on peut photographier le devant et le derrière pour pas un rond. Vive le camping! Donc, il y a la flotte qui montait. Tout le monde flottait sur les matelas pneumatiques, sauf Mme Chalamant, qui elle... On l'a sauvée in extremis en la tirant par les cheveux. Ma sœur qui rêvait, toute joyeuse, elle disait, oh ben s'il continue à faire un temps comme ça, on pourra pas aller se baigner. Elle avait de l'eau jusqu'au nombril, ce pauvre. Mon beau-frère qui rêvait et qui croyait qu'il était à la pêche. V'là pas qu'il saute sur Mademoiselle Hollandec. Je tiens une belle pièce. Ah, tu veux te sauver, à ce coup-ci, tu te sauveras pas. Ce pauvre Mademoiselle Hollandec qui en est. À moi, on me veut. À moi, on me veut. Je pense à moi-même, tu risques rien. C'est qu'il faut l'avoir, hein, Mademoiselle Hollandec. Elle peut sortir le jour, la nuit, dans les clairières, elle risque rien du tout, hein. Comme me disait un CRS, si elle arrivait sur la plage en monokini, alors là, pas de sommation, on tire tout de suite. Elle pourrait se trouver mal sur la plage, il n'y a pas un volontaire pour le bouche à bouche. Ou alors le gars est complètement miro, hein. Mme Chalamant, la flotte, ça lui a fait comme un coup de reversi, que de reversin. Hein. Ça l'a fait retomber en enfance, elle criait « Y'a de la lolo, y'a de la lolo, y'a de la lolo !» On s'est retrouvés tous à 5h du matin dans l'école du village. Ils nous offraient des grogues pour nous réchauffer. On est quand on avait tout perdu, la toile de tente, les casseroles qui étaient parties au fil de l'eau. Un 13 août. Il n'y en a qu'un qui a été chouette, qui nous a relevé le moral. C'est le patron du camping. Le patron de celui qui allait 7000 places. Il a dit, j'aurais tellement voulu être parmi vous, mais j'ai pas pu. Il n'a pas pu trouver de place. Alors ce pauvre malheureux, il a été obligé d'acheter un appartement au Carlton, avec 3 mètres d'hôtel, 5 femmes de ménage, un chauffeur, 2 cuisiniers.